Peter Parker, il vit dans un 20 mètres carrés à New York, tu vois, qu'il doit payer beaucoup trop cher. Voici l'appartement le plus cher du monde. Alors c'est sûrement pour ça qu'il cumule les activités, tu vois, il est super-héros. Il aide aussi sa tante en faisant le bénévole dans un refuge pour SDF. N'auriez pas une pièce de trop, mes frères ? Et comme si ça suffisait pas, tu sais, il est aussi responsable scientifique dans une start-up médicale. On pourrait les surnommer les pansements lucioles. Pourquoi ? Parce qu'ils brillent quand la plaie est infectée. Donc... Avec tout ça, il arrive même à emmener des filles au restaurant, l'enfoiré. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Au début, Peter, en Spider-Man, met en prison un type qui semble avoir une seule idée en tête. Tuer Spider-Man. Un jour, je te tuerai. Une fois débarrassé du têtu, les ennuis vont un peu s'accumuler pour Peter. Sa copine lui fait du chaud-froid. Je t'appelle pour te dire que tout va très bien. Il y a une menace de grippe aviaire sur Manhattan. Si ce virus sort de là, 260 millions d'Américains seront morts. Il y a bien un flic qui veut l'aider, mais il se fait dégommer par le propriétaire du refuge au SDF. On découvre qu'en fait, l'enfoiré est piqué dans la caisse pour se payer des costumes réversibles. L'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand. Monsieur le maire, il est furax et il déclare la loi martiale dans la ville. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Mais le PDG de la start-up dans laquelle bosse Peter, il kiffe pas trop l'entourloupe du maire. Il fait sortir de prison un boys band des années 90 qui tente un comeback. Tendre les mains à son destin. Et il empoisonne tout Manhattan avec sa grippe aviaire. Pour Peter, là, c'en est trop. Je suis limite nervous breakdown. Il se rend au laboratoire pour arrêter son PDG. Il l'affronte alors en 1v1 au milieu de la ville. T'as accepté mes règles ? Alors ça va être avec mes règles. Normalement, mes règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais on va faire MMA. Et là, il lui dit enfin ses quatre vérités. Tu étais l'élu, c'était toi ! La tante de Peter, elle préfère mourir plutôt qu'entendre ça, et le calme revient dans la ville.